J'arrive avec tes rimes riches, rangez vos sourires crispés. Toujours le fond, la forme, tant pis pour l'assassin de King V. Compte pas sur moi pour abâcher que seul le crime paie. En indépendant pour amener des trophées comme à Green Bay. Pas d'oseille donc c'est foutu pour l'achat de briquet. On fout le feu sur la prod même si on est en panne de briquet. Ça fait 10 piges que la solitude me graille comme un Chief Nan. Vaut mieux être seul qu'accompagné d'Air Kelly ou d'un 6ix9ine. Chapeau sur la tête, ça déambule comme des marshals. C'est notre amour du fils qui fait parfois que nos mères chialent. Y'a aucune chance que tu trouves nos places dans les meilleures ventes. J'invite les faux rappeurs à partir en vacances à Neverland. T'es ma mes clips, les vues YouTube, c'est pas ce que j'aime acheter. Le fric rend beau mais rarement un télo demande un MHD. Les parano diront que je suis décédé si je chante plus. Je passe le salam à ceux qui me passent le salam dans le bus. You better watch out, I'm here to turn your lights out. You don't know me, you don't know what I'm about. Me and my clique, we're coming true like a wolf pack. You better step back, motherfucker, step back. You better watch out, I'm here to turn your lights out. You don't know me, you don't know what I'm about. Me and my clique, we're coming true like a wolf pack. You better step back, motherfucker, step back. Check de l'épaule si t'es des nôtres. Souvent à l'ouest, j'perds pas le nord. Je triche pas pour les vues que les bonnes notes. Que les bonnes notes. Percé, je pas pressé, je prends des notes. Percé, je pas pressé. Pressé dans le passé avec des faux potes. Ah, je prends pas de lancé comme John Lennon. Non, non, non. Je dis 9-4, val de marne dans la dresse. Droitier comme Zizou, pas de maladresse. Je rappe autant que les mots te blessent. Je raquette la vie à l'aise en noblesse. Ici maîtresse en laisse face au maître. Ouais. Trop de problèmes pour être honnête. Les impôts, on a fini par s'y faire. Super. Lâche pas la sphère même sur une civière. Nous sommes trop pâches car on est si fiers. Posé dans chambre à gaz avec Lucifer. You better watch out, I'm here to turn your lights out. You don't know me, you don't know what I'm about. Me and my clique, we're coming true like a wolf pack. You better step back, motherfucker, step back. You better watch out, I'm here to turn your lights out. You don't know me, you don't know what I'm about. Me and my clique, we're coming true like a wolf pack. You better step back, motherfucker, step back. Ghetto rockstar, après le show, ça se peut qu'on brise les guides. Rien arrive, c'est comme Roy Enoch, ici ça vise les chevilles. Ces enfoirés doutent que mes rimes déchirent. Shut the fuck up, comme dirait Method Man ou Limp Bizkit. Je voulais me répandre comme une pandémie. Mes dettes, elles me rappelaient que j'aurais peut-être dû changer de vie. Les petits gangsters croient que la rue t'enrichit. Pourtant, ne pas finir en tôle est leur plus grand défi. Ça fait longtemps que les vrais m'ont validé. Le ciel qui s'assombrit à chaque conflit, mais on est habitué. Le sac à dos plein d'albums plastifiés. Je rêve encore du jour où je ferai une chanson avec Marimé. Pas d'argent pour les voyages dans le sud. J'écris des sons en me faisant croire que le travail s'endure. Passer l'hiver à regarder celles qui se pavanent dans le club. Je réponds ça va à ceux qui me demandent ça va dans le bus. You better watch out, I'm here to turn your lights out. You don't know me, you don't know what I'm about. Me and my clique, we're coming true like a wolf pack. You better step back, motherfucker, step back. You better watch out, I'm here to turn your lights out. You don't know me, you don't know what I'm about. Me and my clique, we're coming true like a wolf pack. You better step back, motherfucker, step back. You better step back, motherfucker, step back. You better step back.